Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième émission de Laval Fans pour cette année 2008. Je suis Roger Or. Vous êtes encore en compagnie des deux frères Lamarche, Philippe et Monsieur Charlie. Yes, salut Philippe. Salut Charlie. C'est rare que je t'appelle Philippe, hein? D'habitude je t'appelle Phil. D'habitude c'est Phil. Moi j'avoue que Charlie, ça c'est venu avec le temps, parce qu'avant ça c'était Charlot. Yes, ouais. Mais là, à ce temps t'es rendu que t'as les bras assez grands que j'ose plus trop t'écœurer. Non. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Non. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on est toujours en excellente compagnie. Aujourd'hui, par exemple, Charlie, tu sais, pour faire changement, on a toujours l'habitude d'avoir quelqu'un de l'offensive. Là, ça va faire du bien. C'est un changement. On a amené un peu de dark side, de rouge et or. Ouais, mais on a amené encore du poids et de la grandeur, par exemple. Et je salue là-dessus Jean-Philippe Gilbert. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on est content de t'avoir avec nous. Ben, ça me fait le plus grand plaisir. J'avais une idée en tête, mais en fait, ce que je voulais savoir, vous vous êtes revenu là, du match avec Acadia. Oui. Comment ça a été pour ta part la partie? Ben écoute, ça a été mieux que ce qu'on pensait. OK. On s'attendait à un duel très physique. Ils ont des O-lines très, très, très, très physique. Je pense à Adam Rogers, donc j'avais des souvenirs de 2006, là, où ce qui avait passé le match à nous passer en main en face. Puis je me souviens, moi et Mike Jean-Louis, on se demandait où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Mais là, on s'attendait à un gros duel physique, mais on est débarqué de l'autobus avec vraiment l'intention de se reprendre la semaine d'avant. Puis je pense que le résultat démontre qu'on a fait de la job de ce côté-là. Mais as-tu l'impression que c'est vous autres qui étaient super préparés ou c'est eux autres qui ont peut-être été surpris pour voir à quel point le Rouge et Or était toujours aussi fort? Je sais pas si c'est parce qu'on était super préparé, mais on était prêt. Puis définitivement, le plan de match était solide, simple, mais solide. Puis c'est aussi ce qu'eux font. C'est simple, mais c'est solide. Donc, tu sais, c'est hard knock football, puis présente-toi là, puis il n'y avait pas de cachette, là. Avec Edith, c'est pas reconnu pour être des temps anyway, là. Non, c'est ça. Tu te présentes à Wolfville, tu sais que tu vas revenir avec des bleus. Oh, exact, exact, c'est sûr. Comme dirait notre chum Vince Cochon à choix, c'est pas du football de chochotte. Oh non, c'est pas du football de chochotte. Ça tape d'en face, puis si le casque va lever, il va y avoir une tape qui va se donner, là, c'est sûr. Il n'y a pas juste le voyage d'autobus qui est brutal. Non, c'est vraiment, réellement le vrai, là. Ça, justement, comment ça se passe, le voyage d'autobus, quand vous descendez là-bas? Je veux dire, arrivez-vous... Là, je sais que toi, tu étudies en droit, oui, entre autres. Oui. C'est ça, c'est déjà pas mal d'ouvrages. Oui. Quand vous descendez en autobus, commencez-vous à faire des travaux aussi ben écoute, pour l'école? Ou... C'est sûr que c'est difficile, parce que dans la gang qu'on est, c'est sûr qu'on est sur deux autobus, offense, defense, okay. Mais dans la gang qu'on est, c'est sûr et certain que c'est pas tout le monde qui va faire des travaux d'études. C'est pas tout le monde qui a ça, nécessairement, d'important. Donc, il va y avoir des films qui vont jouer. Okay. Tu peux essayer de faire la lecture. Mais bon, c'est une question de focus aussi. Tu as l'occasion d'avoir un 48 heures où est-ce que tu vas penser juste au football. C'est contrairement à un voyage en Floride où tu descends pendant 30 heures. Là, tu peux faire différentes choses pendant le voyage puis diversifier selon les demandes de tout le monde. Là, tu as comme l'occasion de décrocher puis de te préparer de mettre ton focus juste 48 heures sur le football. En revenant, c'est une autre histoire. Là, c'est plate à dire, mais en revenant, tu célèbres un peu au restaurant. Après, tu manges une petite bouffe, mais après, tu descends, tu ouvres tes livres. Il va jouer un film, après c'est ça, c'est... Il y a la moitié d'hommes, l'autre moitié écoute un film, l'autre moitié, ben, il étudie. Puis je t'ai donné la moitié qui étudie, malheureusement. Puis tu dis que quand vous partez comme ça, vous partez avec un autobus à l'offensive, un autobus à la défensive. Ouais. Prenez-vous le temps, justement, de revoir les plans de match avec les coordonnateurs, retravailler ça aussi, puis dans l'autobus, affiner le tout. L'autobus, ils vont passer ce qu'ils appellent le ready list, le plan de match, carrément, ce qu'on va faire pendant le match. C'est ce qu'on reçoit souvent avant de partir en autobus. C'est quand même une bonne ride d'autobus. Avec les arrêts et tout ça, on est parti à 11h le matin, puis on est arrivé à 1h30. Donc, tu sais, c'est une bonne ride. C'est sûr qu'il n'y a pas nécessité... Tu lis, tu sais, on est tous capables de lire. Fait qu'on lit le ready list, puis on s'en tient pas mal à ça. Mais il n'y a pas de cours sur le ready list. Ils nous le donnent, puis on l'étudie tout simplement par nous-mêmes. Là. C'est suffisant déjà. Oui. Dis-moi, pour un peu les inculs, c'est quoi le ready list? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Là-dessus, il y a les ajustements. Parce que oui, c'est beau, on a un jeu, un cahier de jeu, pardon. Mais faut l'ajuster selon ce que l'autre équipe va faire. C'est souvent le cahier de jeu va être fait en fonction des systèmes de base ou un peu élaborés. Mais il faut après ça l'adapter à chacune des équipes. Parce qu'il n'y a pas une équipe qui joue pareil. Donc oui, tu as des ajustements, puis tu as des jeux spéciaux, des choses qu'on veut faire. Non seulement il y a des ajustements pour qu'on subisse ce qu'eux vont faire, mais ce que nous, on veut faire aussi pour les contrer. Donc, des jeux spéciaux qu'on arrive d'une semaine à l'autre. Donc, comme on dit au début du camp, on a notre playbook qui fait un pouce d'épais, mais au courant de la saison, on en rajoute un autre pouce parce que c'est tous des ajustements selon chaque équipe. Puis on prend, puis on en laisse, puis on en prend, puis on en laisse. Donc, c'est toujours un work in progress, ça, toujours. Puis, comme là, une équipe comme Acadia, là, c'est sûr qu'il y avait quoi? Eux, il y avait c'était leur deuxième match aussi, si je ne me trompe pas. Bon, donc tout ce que vous aviez vu, c'était peut-être le match précédent. Ça fait pas une... c'est sommaire quand même comme préparation. Oui, c'est là. Très sommaire, puis c'est un peu ça la défensive aussi. Il faut que tu apprennes à t'adapter. Il faut que tu apprennes à jouer en fonction des changements. Parce que non seulement, oui, on a un realist, mais sur le bord du sideline, il y a beaucoup d'ajustements qui se font en cours de match aussi. Donc moi, je trouve que c'est une des beautés de jouer en défensive. C'est qu'il faut que tu t'ajustes au fur et à mesure que la partie joue. Là. C'est réellement ça là, qui est à faire. Puis c'est à refaire à chaque fois. Puis comme tu le dis, il y avait un match de jouer. Donc oui, on a vu ce match-là plusieurs fois, mais on a vu aussi des vieux clips. Okay. Puis étonnamment, il y a des choses qui revenaient. Donc à un moment donné, ils ne réinventeront pas le football en une semaine. Donc tu essaies d'établir des tendances à partir de ça. Puis un match qui se termine comme ça à 47 à 1. Ouais. Pour toi, là, puis les autres, là, je veux dire, avez-vous l'impression que c'est une performance impeccable ou il y a encore des choses que vous vous dites tabarouette, on arrête donc dû faire tel autre truc, ou je veux dire, parce que c'est une belle performance, mais j'imagine que vous faites de l'autocritique aussi. Puis... Oui, ouais, ben c'est sûr que c'est beau, c'est une belle performance, c'est des belles choses qui ont été faites, mais comme on se dit souvent à l'intérieur des unités, on n'est pas des fleuristes, on n'est pas dans la business de se lancer des fleurs. Nous autres, on veut toujours s'améliorer, on veut toujours aller plus loin. Donc, nous autres, c'est plus des pots qu'on se lance. Donc, c'est pas pire. Après ça, tu peux mettre les fleurs, les belles affaires, t'es mettre dedans, mais tu penses toujours au pot dans lequel il est. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à faire. Je veux dire, sur un jeu, tu veux que tout le monde fasse son 12e en défensive, puis c'est ce qui fait la force de l'unité de la défensive, mais nécessairement, c'est pas tout le monde qui est impliqué dans le jeu pendant que ça arrive. Il faut que tout le monde le fasse, mais tu peux toujours arriver à améliorer ton jeu puis à justement travailler ton 12e pour qu'il soit encore plus efficace puis que tu t'approches du jeu, même si t'es pas censé être impliqué. Ouais. Puis à Acadia, je sais que c'est un beau terrain. Là, j'ai vu des photos de nos forumeurs qui est sur Laval Fans, qui nous a envoyé des photos. Ouais. Écoute, on m'a dit que le terrain était vraiment génial. Je ne sais pas pour vous autres, en termes de surface, si, par rapport au PEPS, c'est une grosse différence. Là. Ouais, parce que ça commence à être vieux au PEPS. Là. Ça a l'air de rien. Mais il est temps que le Super PEPS arrive. Ouais, non, mais écoute, ça reste de la surface synthétique. Là. Je veux dire, oui, il est magané. Mais regarde, c'est une surface synthétique. C'est quand même, quand on retourne presque sur le terrain en boîte, là, on l'apprécie quand même. Mais oui, la surface à Acadia est assez impeccable. C'est un filter. Oui, c'est impeccable. Là, vraiment, Acadia, là, c'est impeccable. Ça va vite. Puis non, c'est plaisant, je vois dessus. Tu peux pas. Rares sont les fois où tu peux dire, ah, j'ai glissé, parce que ça grippe, puis c'est rapide. Là, c'est beaucoup plus rapide, là, on le voit. Là. Puis à Acadia, moi, cette valeur, j'ai essayé de pouvoir voir le match sur. C'est Charlie, c'est sur Eastlink. Oui, c'est ça. C'est sur Eastlink, sur Internet, où on pouvait le voir. Malheureusement, j'ai eu beau essayer autant comme autant de voir la partie. J'ai pas pu. À Acadia, y avait-tu beaucoup de monde dans les estrades? Oui, ben c'est pas des très grosses estrades. Non. Équivalente peut-être à Bishop, comme une grande grosseur d'estrade. Mais oui, c'était quand même plein. Il y avait des programmes mineurs qui étaient là. Il y avait quand même une ambiance correcte. Mais il y avait quand même beaucoup de monde de Laval aussi qui avait fait le voyage. Donc, je dirais pas qu'on se sentait enterré ou quoi que ce soit. Je n'ai pas senti de pression des fans tant que ça. De toute façon, leur bonne humeur s'est estompée assez rapidement au courant du match. À la fin, il restait plus de gens de Laval, je pense, que de gens d'Acadia. Comme ça. Puis, ça, c'est sûr, tout le monde en parle. Quand vous êtes à Laval, c'est sûr que là, vous avez la foule derrière vous. Ça hurle, ça crie. Moi, je sais, je suis toujours sur le body line de côté, puis je suis le premier à me lever le lendemain puis à avoir mal à la gorge. Quand vous allez dans des places comme ça, je vous dis... L'entendez-vous, le bruit d'hostilité, ou je vous dis là, vous êtes habitué d'avoir un son terrible? Ben, de toute façon, nous autres, à défensive comme tel, quand on s'en voyage, nous, on n'entend plus rien. Comme à Laval, on demande aux gens de faire du bruit quand nous, on est en défensive pour déranger l'offensive adverse, ben, c'est la même chose qu'on voit ailleurs. Donc la défensive, pour nous autres, ça tombe étrange parce que justement, il n'y a plus de bruit. Oui, donc vrai. Ça nous permet de communiquer. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas les foules ailleurs. Moi, puis... Souvent, ben, tu sais, comme en fin de semaine, il n'y avait pas grand-chose à recevoir de la foule. Là. Ça a été assez bref comme accueil de la foule, là, de toute façon. Rapide. Puis vous autres, à la base, je veux dire, toi, ça te motive-tu d'avoir autant de monde qui vont hurler? Puis, C'est incroyable. Puis c'est toujours phénoménal d'expliquer ça aux recrues qui s'en viennent. C'est de dire, écoutez, là, il faut communiquer sur le terrain, surtout. Puis sans rien enlever à l'offensive. Eux demandent le silence. Nous, on demande du bruit. Puis souvent, vous allez voir, on demande aux gens, en levant un bras dans les airs, puis faites du bruit, puis l'annonceur en rajoute. Les gens n'ont pas idée de l'importance que ça a de faire du bruit. Dans les yeux du O-line qui est en avant de nous autres, là, moi, je le vois à chaque fois que c'est des jeunes O-line ou que c'est une équipe qui arrive pour la première fois à Laval, de voir leur face, de voir la façon qu'ils nous regardent, là, sont... Souvent, ils sont même pas placés, le jeu est déjà parti. Ah, tu vois, puis ils capotent, ils savent pas où ils s'en vont, puis ils sont pas prêts à ça. Puis plus qu'il y a du bruit, ben plus ça devient. Puis, c'est sûr que des fois, ça peut nuire dans le sens que tu t'approches du carrière, la foule commence à faire du bruit, donc il sait que tu t'en viens, mais sinon, là, je veux dire, c'est incroyable. Les jeunes qui arrivent, là, c'est. Moi, je me souviens, je me souviens de toute ma vie de mon premier sac du corps devant la foule de Laval ou de la première fois que je suis rentré sur le terrain, là, c'est incroyable. Là. C'est l'énergie que ça apporte. Là. T'as l'impression que tu voles, là, carrément. Et puis même, c'est l'année passée, je pense, Charles-Éric, on avait fait des tests. T'avais enregistré la foule pendant une présentation qui criait. Puis quand les gens sont dans les estrades, on en entend du bruit. Mm-hmm. Mais il faut être juste sur le côté, puis vous autres sur le terrain, c'est sûr que vous avez la meilleure position. Ouais, ouais. Là. Mais c'est hallucinant. Mais moi, je peux le vivre, je le vis à chaque match, parce que moi, je suis à côté de vous autres. Je me promène, je me balade autour de vous autres, j'ai toujours mon appareil photo en main. Puis à chaque fois, Colin, même si les jeunes disaient que le premier match à Laval cette année, la foule avait été relativement calme. Moi, je me souviens du feeling la première fois que les Carabins sont arrivés avec la balle sur le terrain. Je me suis reviré, je regardais le monde, puis tabarouette, c'est fort. Puis tu sais, je sais comme joueur de ligne, quand t'entends pas le compte du corps arrière, quand tu veux mourir, là, vraiment, t'espères que tu le manqueras pas parce que tu sais que tu vas en manger une sincère. Ah ouais, puis tu sais que le monde va crier aussi parce qu'ils t'ont vu, tu sais. Non, c'est vraiment le 13e joueur. Le monde, je sais qu'il y en a des fois qui disent « Ah, il est tannant avec son « fait du bruit, fait du bruit ». Mais c'est incroyable l'impact que ça a sur l'équipe adverse. Oui, ça n'a pas de sens. Ça fait partie du football. De toute façon, c'est le même, mais c'est important qu'il y en ait du bruit. Tant qu'on le fait dans le bon moment. Dans le bon goût, puis dans le bon moment. Oui, et dans le bon goût, ça, je suis obligé de l'admettre que parfois, il y en a qui l'oublient. Ouais. Mais c'est mieux. Cette année, en tout cas jusqu'à maintenant... On ne peut pas parler d'une tonne de matchs, là. Mais de ce que j'ai vu, ça s'est mieux passé que bien d'autres matchs. Écoute, on parle de ta carrière présentement, mais je pense que c'est important de savoir d'où tu viens. Écoute, tu es originaire de la Beauce. Oui, je viens du beau petit village de Saint-Victor-le-Beauce. Combien d'armes? Je dis 2000, je pense. 2000 et quelques. Ça dépend, comptes-tu la paroisse ou compte juste le village? Là? Le village. Le village, en 2000. Puis, c'est où en Beauce? Tout près de... Je suis ignorant, là, mais... Beauceville, Saint-Victor, Saint-Ephraim, le Woodstock. Okay. 5 minutes avant le Woodstock. Ah, ben là! On l'entend de mon père. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Hey, moi, écoute, regarde, quand j'ai dit à certains gens du forum qu'on recevait ce soir Jean-Philippe Gilbert, on m'a dit, regarde, pose-lui une question. Un gars de la Beauce qui se retrouve... à la Noxville, pour son collégial. T'as eu un glitch au cerveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben écoute, pour moi, personnellement, j'ai toujours considéré que ça avait été un beau cadeau que je me suis fait. Écoute, Lennoxville, c'est une école anglophone. Moi, c'est sûr, j'ai fait mon football, j'ai commencé à la polyvalente Saint-François. Par la suite, Gaétan Mathieu m'avait conseillé d'aller faire mon secondaire 5 au Dragon de la Beauce-et-Chemin. Donc là-bas, j'ai comme été remarqué, j'avais une bonne saison, j'avais été joueur de ligne par excellence, bon, tu me limites, là. Mais bref, j'avais été sollicité pour aller dans les cégeps à peu près à grandeur de la province. Maintenant, il fallait que je fasse un choix. J'avais le choix de rester à la maison, d'aller jouer pour les Condors de Beauce-Appalaches. À ce moment-là, c'était Richard Jolicoeur qui était là, une coach que je respecte énormément en termes de coaching football D-line. Ce gars-là, c'est un motivateur incroyable. Puis non plus, écoute, je veux pas que les gens pensent non plus que je dis ça péjorativement, que t'es allé à Lennox, puis c'est mauvais que t'ailles aller. Non. Mais c'est rare qu'on voit les gars de la Beauce se retrouver là-bas. Ouais. Mais écoute, moi, c'était un move de carrière, vraiment. Puis j'avais fondé ou pas, j'avais une envie de donner une shot à aller jouer aux États-Unis. Donc moi, ça passait par l'anglais, puis j'avais pas le choix. Oui, j'avais des bonnes notes en anglais en Beauce, mais on se cachera pas que l'enseignement de l'anglais, ça passe par des anglophones, selon moi, puis une immersion. Maintenant, certains diront qu'à Lennoxville, il y a beaucoup de francophones. Ben, moi, je répondrais que moi, j'avais beaucoup de chums anglophones, donc j'ai réellement appris mon anglais là-bas. Puis c'est dans ce sens-là que je considère que je me suis fait un beau cadeau en ayant appris l'anglais, puis en n'ayant aucun malaise à parler en anglais à qui que ce soit. Là. Puis juste pour ça, je considère que c'est une richesse qui m'apporte beaucoup. Puis juste la diversité culturelle aussi, mané, ça sort un peu du genre noir. Donc j'avais le goût un peu de sortir de chez nous. Là, donc ça a fait du bien dans ce sens-là. C'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de sortir de là, là. Puis tu dis que justement, en misant sur l'anglais, ça t'aurait peut-être amené à pouvoir aller jouer au football. Là, ouais, ben j'avais certaines aspirations. Écoutez, ça s'est jamais concrétisé, rien de sérieux. Mais bon, j'ai rencontré des coachs de Rutgers qui m'avaient dit, écoute, on aimerait ça, on trouve que ton vidéo est bon, on trouve que tu as des bonnes capacités, envoie-nous un tape de ton prochain match au complet, puis on va regarder ça, puis on va envoyer un coach te voir dans un Combine Run Dias, qui est comme un Combine à Montréal, où est-ce qu'on fait des tests, puis beaucoup de gens du collégial vont là-bas, je ne sais pas si Run Dias existe encore, mais il y a encore des Combines de la sorte. J'avais fait mon examen de SAT qui pourrait être admissible aux États-Unis. Puis suite à ça, écoute, il y a un coach qui est venu directement puis qui m'a dit you're good, but you're way too small. J'ai comme wow. T'sais, je veux dire, je fais 6 pieds 2, à ce moment-là, je faisais un 265-270 livres. Puis je me dis wow, t'es capacité. Puis il me regarde avec un dédain. Donc là, ça m'a fait comme bon, c'est correct. J'ai essayé, puis j'y ai pensé. Puis moi, tu sais, je sais que ça se mise beaucoup là-dessus, tu sais, pour aller jouer aux États-Unis, tes capacités physiques, ta vitesse, tout ça. C'est ça, exactement. Donc, eux vont t'apprendre à jouer au foot. Donc, c'est correct. Puis, j'ai pas eu plus d'offres que ça. J'aurais aimé ça dire que j'ai eu 10 lettres d'offres, puis tout ça. Ça n'a pas été le cas. Mais j'avais une intention en sortant du secondaire. Puis, je dis, regarde, si je veux une shot, c'est par là que ça passe. Puis, pour le choix de l'université, si t'avais-tu été pressenti dans d'autres endroits où Glenn est arrivé directement, ou encore là, toi, tu faisais là, t'es en droit, peut-être que tes démarches étaient tout simplement d'aller à l'université Laval? Ben, en fait, moi, je regardais les écoles de droit. Donc, ça passait par nécessairement les McGill, Ottawa. J'avais été sollicité par toutes les équipes de la Conférence Québec. Okay. J'ai quand même été sollicité, mais regarde, moi, mon choix s'était quand même rétréci assez rapidement. Sherbrooke, pour l'école de droit, qui est quand même très axée sur la pratique, m'avait intéressé à ce moment-là. Mais écoute, quand j'ai vu les Glenn avec les installations, puis les gens en droit, puis le support de la famille Tanguay, puis tout ça, puis quand j'ai dit, regarde, n'importe quel argument que l'Université de Sherbrooke m'aurait donné était réfutable à quelque part ici. Donc je viens de la Beauce. Mais le journal qui arrivait chez nous le matin, c'était le soleil, puis le journal de Québec. Donc c'est dur de dire bon, je vais tourner le dos à tout ça, puis l'aspect presque quasi professionnel justement de Laval. Je trouvais ça trippant, je garde. Puis, mais ça aussi, d'ailleurs, c'est pas le premier en fait de parler de l'aspect quasi professionnel du Rougéard. As-tu encore des aspirations de peut-être aller jouer vers la CFL ou... Ben, je suis pas dupe. Je sais que c'est une carrière qui est brève. Je sais que c'est beaucoup de moves de business. Quand je pense à Maranda qui a pas fait sa place, puis qu'il y a d'autres gars qui l'ont fait. Des gars de talent, là, on s'entend. Là, ben, c'est ça. Puis, je veux dire, il y a sa place dans cette ligue-là. Puis, absolument. Il pourrait déplacer bien des gens. Je pense à Pascal, je pense à bien des gens. Miguel Robédé, qui n'est pas établi encore comme partant. C'est jamais lui qui est sur le starting line-up, mais il joue 95% de la game. C'est ça. Mais il n'est pas encore le starter. C'est toujours, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas encore Miguel qui est établi comme starter. Non, c'est ça. C'est une ligue spéciale. Puis, écoute, j'ai fait le East-West, j'ai vu des coachs. Oui, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais faire un camp, voir ce que c'est. Mais, écoute, mon plan de carrière n'est pas axé en vertu de ça. Mais qui a déjà pratiqué un sport sans se dire, ça serait donc mal fun de vivre de ça. Puis je suis pas différentes personnes. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça essayer. Mais je suis pas dupe non plus. Là. Je braillerai pas si jamais mon nom sort pas au repêchage. Vraiment pas. J'avoue, j'avais trouvé. En tout, je sais juste. Je sais que sur le fait que tu étais en droit, mais c'est parce que je pense souvent à Mathieu Proulx. J'ai trouvé qu'il avait justement. Il a été chanceux un peu dans sa carrière, dans le sens le football à l'automne. Puis après ça, il continue à étudier pour le barreau. C'est sûr que ça devient des possibilités intéressantes. Oui, c'est ça. Mais c'est des charges de travail impressionnantes. Là. L'école du barreau, comme Mathieu l'a fait, là, wow. Il y a ça peut-être de différent, mais avec Mathieu, il y avait des résultats scolaires assez époustouflants. Moi, je suis plus dans la moyenne. Et donc, je fais mon petit cheminement personnel, puis je vais arriver à la même place. Mais c'est tough. C'est pas oui, ben c'est ça, ça n'a rien de facile. Je veux dire, t'as pas choisi le domaine le plus facile. Non, non, j'ai pas choisi art et lettres ou quoi. Ben, sans dénigrer art et lettres, là, je veux dire. Dis-moi donc, pourquoi le barreau? Qu'est-ce qui t'a amené vers le droit? Ben, c'est difficile à dire. Honnêtement, je pense que c'est la première fois. la première fois, la seule fois d'ailleurs où je me suis retrouvé en cours, je suis allé contester une étiquette. C'est bien niaiseux, mais j'ai tellement trippé à faire ça. Puis, je veux dire, réfuter, puis non, m'obstiner, puis c'est technique, c'est non, c'est moi, ça me fascine juste ça. Tu sais qu'il y a un principe de droit qui dit que tu peux pas être reconnu coupable deux fois pour le même crime. Ouais. Es-tu coupable ou non sur ton étiquette? Est-ce que ça va être entendu par des policiers? Ça se pourrait. Moi, je vais leur dire, j'en ai compté. Mais là, j'ai compté ma bullshit et j'ai gagné. Ouais, ben écoute, j'étais peut-être coupable, on ne le saura jamais. Mais regarde, c'était une étiquette de ceinture de sécurité, donc c'est quand même assez facilement réfutable. Le juge a décidé que tu l'étais. Voilà. C'est dans mon innocence d'étudiant, je ne l'étais pas. Voilà. As-tu plus l'intention d'être un plaideur à ce moment-là? Je ne sais pas encore, honnêtement. Il y a beaucoup de domaines que je trouve intéressants. Il y a des domaines que j'aime, mais que je suis nul. Mais écoute, je me donne encore du temps pour réfléchir, mais le droit criminel m'intéresse beaucoup. Okay. Parce que c'est un domaine où je réussis bien. Puis écoute, c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je trouve ça intéressant, vraiment. Puis c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Ali McBeal ou ce genre de choses-là. Tu sais, la télévision, ça reste la fiction. Là, puis c'est souvent une erreur que le monde font en pensant au métier d'avocat. Mais moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est capoté, vraiment. Là. Je pourrais vous en parler longtemps, là, mais c'est vraiment capoté comme domaine. Il t'en reste encore à faire longtemps à l'Université Laval? Comme tel, si tout se passe bien, je termine mon bac en décembre. Okay. Donc après ça, je voudrais faire une spécialité pour justement avoir une valeur marchande comme avocat. Puis après ça, faire mon barreau, probablement après ma cinquième saison. Tu serais bon, c'est ça, pour revenir l'année prochaine pour ta cinquième, peut-être. Potentiellement. On l'espère. Voilà. T'es-tu plus du genre à vouloir défendre la veuve et l'orphelin ou plus chercher le challenge? Ben, souvent, mes professeurs vont dire les bons avocats, les bons avocats choisissent leur cause, les mauvais ne les choisissent pas, mais les très bons avocats en perdent et en gagnent. Donc, tu sais, moi, c'est plus vers ça que j'ai le goût de m'aligner, tu sais. Dire, oui, celle-là est possible, celle-là, elle va être tough, mais, tu sais, I won't back down. Je vais l'essayer quand même, puis je vais conseiller de l'essayer. Moi, c'est ça que je veux faire. T'sais, j'aime challenger, vraiment. Là, surtout dans ce domaine-là, je veux dire, c'est spectaculaire de voir là, comment des actes de procédure, des faits peuvent faire changer des causes, puis faire changer ça tout là, juste par une préparation adéquate. Là. Je sais que les entreprises en droit sont ultra agressives dans le repêchage. Ouais. Ils ont-tu déjà commencé, toi, à te solliciter là-dessus? Pas dans mon cas. Écoute, moi, j'ai un cheminement qui est plus lent, évidemment, avec le football. Avec le football, c'est certain. J'ai pris plus de temps. Nécessairement, moi, pas un jeune que ses parents aident financièrement, qui me disent on paye pour tout, puis concentre-toi juste tes études. Moi, j'ai le football, puis il faut que je paye une partie de mes dépenses. Donc, tu travailles en même temps aussi. Je travaille en même temps. Donc, tu sais, j'ai un horaire chargé. Ouais, donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça va être quelque part sur les résultats scolaires. Mais regarde, je pense que ça va avoir une valeur aussi, à un moment donné, au bout de la ligne, d'être capable d'être multidisciplinaire dans ça. Là. Exactement, c'est ça. Et on parle aussi souvent que la vie d'élève étudiant athlète, est vraiment pas facile. Là, tu fais de l'athlète, du sport de haut niveau, tu étudies le barreau, tu travailles en même temps, puis depuis le début de ta carrière universitaire, t'as pas été épargné par les blessures. Non, non. Comment t'as pu concilier tout ça en même temps, être blessé, étudier, travailler? Ben écoute, c'est quasiment, quand tu deviens blessé, t'as plus de temps pour étudier, malheureusement. J'aurais souhaité que ça soit différent. C'est sûr que non, j'ai pas été épargné par les blessures, mais je joue pas une position non plus où est-ce qu'on se flatte les cheveux. Là. Comme on dit, on est dans le pit, puis ça brasse, puis ça fait partie du jeu. Écoute, on dit que j'ai des chevilles en verre, mais bon. Faut dealer avec ça. Puis à travers ça, c'est une discipline de vie. Moi, ce qui m'inspire un peu dans ça, c'est si je regardais Samuel Champagne, le livre qu'il disait le plus, il disait souvent c'est son agenda. Puis ça prend une certaine discipline. Tu l'as pas, c'est pas inné. Faut que tu développes ça, réellement. Puis la clé du succès, elle est là. C'est réellement dans profiter de toutes tes minutes, puis de moins en gaspiller possible. Ou si tu veux en gaspiller, ben essaye de faire ça condensé pour pouvoir passer à autre chose à un moment donné. Excuse-moi, moi. Charlie m'écrit une note, je me demandais qu'est-ce que tu voulais dire. Tu es en train de nous dire, Charlie, qu'on est à 25 minutes. Yes. Puis ça veut dire que ça sonne l'heure de la pause musicale. Ça sonne l'heure de la pause musicale. Attends, tu vas nous proposer du hip-hop. Ouais, c'est sûr. Ça vient des gars de la Beauce, on sait qu'est-ce que ça écoute. Non, encore une fois, on a laissé le plaisir à notre invité de nous égayer les oreilles avec sa musique. Jean-Philippe, je te laisse présenter ta touche. Ben écoute, moi, sachant que j'allais avoir à choisir une chanson pour... pour l'émission. Je me suis dit, garde, je vais prendre une chanson à mes couleurs. Les gars de l'équipe savent très bien que c'est moi qui vais peser sur play quand c'est le temps de faire jouer du country dans la chambre. Puis ça m'avait bien fait rire l'an passé quand vous aviez fait des entrevues avec les gars. Les gars disaient, ah, ils passent du rock, ils passent Last of the Mohicans, puis c'est juste ça qui pop, du hip-hop. Je dis, non, c'est pas vrai, ils passent autre chose. Puis y a les gars de région dans l'équipe sont bien présents, puis il y a bel et bien du country qui joue dans la chambre. Puis je me suis dit, garde, je n'irai pas jusqu'à faire jouer soit du Tonio Lachance ou du Caillouche comme l'aurait aimé Eric Maranda, mais écoute. Moi aussi j'aurais aimé ça. Ouais, ouais, ben oui, mais. Mais petit Alan Jackson, Pick Up Man, c'est définitivement une de mes préférées. Pick Up Man, Alan Jackson, pour Jean-Philippe Gilbert, pour les gars des régions, Royal, pour vous autres. Well, I got my first truck when I was three. Drove 100,000 miles on my knees. Hauled marbles and rocks and thought twice before I hauled a Barbie doll bed for the girl next door. She tried to pay me with a kiss and I began to understand there's something women like about a pickup man. When I turned 16, I saved a few $100. My first car was a pickup truck. I was cruising the town and the first girl I see was Bobby Joe Gentry, the homecoming queen. She flagged me down and climbed up in the cab and said, I never knew you were a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a Coupe de Ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man. Most Friday nights I can be found in the bed of my truck on an old Chase lounge. Backed into my spot at the driving show. You know, a cargo light gives off a romantic glow. I never have to wait in line at the popcorn stand, cause there's something women like about a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a Coupe de Ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man. Oh, stand on this one. Bucket of rust or a brand new machine, once around the block and you'll know what I mean. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a Coupe de Ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. Are just something women like about a pickup man. Yeah, there's something women like about a pickup man. Ah, c'est délicieux. Ça te met en bouche, comme on dit. Ah ouais, définitivement. Ben stimulant. Ouais. Mm-hmm. Charlie? Yes. Je veux pas faire une petite critique de mode, là. Mais je veux dire, d'habitude, tu mets une belle petite chemise, t'arrives d'avoir enseigné, beau bonhomme et tout. Là, t'es encore plus beau aujourd'hui. J'ai l'impression que t'as sorti ton tuxedo de Laval. Je suis dans mes couleurs aujourd'hui, mes couleurs de guerre. J'ai mon magnifique 83 de Julian Feoli. J'avais pas le choix, regarde, pratiquement un first down à chaque attrapé, 10 attrapés, une performance exceptionnelle encore une fois de Julian. Les receveurs de passe en général, là, ils ont été hallucinants. Moi, les deux choses pour lesquelles je suis très content du côté des receveurs de passe, Julian, évidemment, qui nous donne une performance extraordinaire. Laurent, qui n'a pas joué contre Montréal, qui est arrivé là et qui a été très bon. Mais surtout, notre chum, Matt Leblanc, qui a, enfin, après sa blessure, ça n'avait pas été à son goût contre Montréal. Et là, 6 attrapés, 43 verges de gain. Moi, je mangeais dans le bonheur. Une grosse performance de tout le monde. Oui, puis, tu sais, on en parlait, ben, ça s'est parlé dans les journaux un peu, mais notre ami Nicolas Turmel, qui a été hallucinant, vraiment, il a été extraordinaire. Ouais, définitivement, écoute, comme jeune secondaire, c'est difficile de demander mieux comme baptême universitaire. En fait, sans être son baptême de match, baptême à la défensive comme ça, d'avoir aussi bien fait. Lui-même dira qu'il y a des choses à travailler, puis il se les fait dire aussi, mais wow, thumbs up, ça a été spectaculaire. Je pense qu'il a vraiment relevé le défi là, qui était donné là, de partir le match, puis écoute, c'était solide comme performance, il n'y a rien à rajouter, je pense. Là. Il était excellent, puis ouais. Encore une fois aussi, moi, il y a mon chum César, César qui est arrivé après une excellente performance de Benoît Gros, César s'installe 7 en 8. Encore une fois, on a-tu de la profondeur à Laval ou on n'a pas? On est sur le bord de creuser des mines, t'as et là, je vais juste en profiter, Charlie, je fais un petit aparté, là, parce que tu viens de parler de César. Tu vas me dire que, oh mon Dieu, tu t'en vas n'importe où, là. La maman de César m'a écrit cette semaine. Ben oui. Puis, en fait, sa question était à savoir qui présente... les matchs du Rouge et Or, on sait qu'avant ça, c'était Chiz qui le présentait à l'Université Laval. Juste pour vous le dire, puis bon, je serais surpris que ceux qui sont à l'antenne n'ont pas encore réalisé, non, mais ça se passe à CHRC. Donc, si en fin de semaine, vous avez cherché sur les sites universitaires, puis qu'on vous annonçait encore que c'était le lien pour Chiz, bien évidemment, c'est en erreur. C'est CHRC, Info 800. Ben encore, c'est en simultané. Il y a Chiz et CHRC qui font les matchs en même temps. Alors ça, c'est bien important à savoir. Mais la gang de Chiz de l'année dernière, Louis Simon, Pierre, plus les analystes... Des fidèles de Laval Fans. Oui, des fidèles de Laval Fans et des maniaques aussi du Rouge et Or sont maintenant rendus à CHRC. Puis, je dois l'admettre, là, moi, j'ai écouté la partie d'Acadia exclusivement à la radio parce que j'ai essayé d'avoir le lien sur Internet. Ça a été impossible. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. J'admets que... Ça a été facile à suivre comme partie, à tel point que je me suis rendu compte que j'ai tout le temps aimé le baseball à la radio. Puis je me rends compte que, bon sang, le football à la radio, ça se fait tout aussi facilement. Puis je te dirais que j'ai vu des maudits beaux jeux en fin de semaine. J'ai bien aimé ça. Tu les as vus, les beaux jeux. Oh, dans ma tête. Non, j'ai pas vu beaucoup d'erreurs. Moi, je pourrais pas vous critiquer énormément là-dessus. Faut dire que Louis Simon s'est pratiqué toute l'été avec l'équipe d'Ottawa, c'est les Rapids, je crois. Non, c'est pas les Rapids, je cherche le nom. De... Non, je me suis... Mais bon... Au baseball, il joue contre les Capitals, Louis Simon s'est pratiqué au baseball toute l'été. Il arrêtait pas de dire sur son Facebook qu'il faisait du millage sous son char à tous les semaines, puis qu'il allait dans des trous. Donc, Louis Simon a travaillé fort cet été, puis aujourd'hui, ça paye, il est revenu à Québec, puis il a décrit encore les matchs de Rouge et Or. Puis là, il prend l'avion pour aller à Nouvelle-Écosse. Les autres, ils prennent l'avion, Caroline, pour aller à Halifax. Ah, mais là, justement, il faut parler des matchs. C'est bien important. Et on va parler des matchs. Écoutez, ceux qui ont été sur le site web maintenant, vous en êtes rendu compte. On a le pool. Le pool qui, l'année passée, on avait la collaboration de Mo, qui à chaque semaine, après avoir fêté un match de Rouge et Or, s'installait et écumait sa bière. En même temps qu'il faisait la comptabilisation des statistiques. Fait que lui-même le disait, c'était toute qu'une aventure que d'arriver avec des résultats qui fonctionnaient. Alors cette année, pour lui donner une petite chance, on a installé un pool qui lui fonctionne de façon semi-automatique. C'est-à-dire que j'ai juste à rentrer les différentes équipes et les différents scores. Donc je vous invite à aller dessus. Mais là aujourd'hui, comme on a un super spécialiste, le grand Jean-Philippe, ben on va en profiter. Puis on va le forcer à se commettre un peu sur les parties qui vont se passer dans la Conférence Québec. Puis, ben pour commencer, écoute, moi, c'était mon équipe que j'ai toujours bien aimé. En fait, c'est Bishop contre McGill. Charlie, toi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, là? À quoi tu... J'ai toujours ton attention. Oui, encore une fois, je fais de la technique aujourd'hui, donc un peu occupé. Mais... j'espère que Bishop vont sortir de leur torpeur. Je le souhaite, j'aime beaucoup Jamal Lee, je l'aime voir jouer. Malheureusement, le front défensif a souffert beaucoup de départs à Bishop cette année. C'est difficile, c'est vraiment pas l'année qu'on a connue l'année passée. Bishop, on aurait dit que c'est toujours une éternelle reconstruction. Ils réussissent à sortir la tête un peu de l'eau, puis whoop, une vague un peu trop forte encore une fois qui arrive et retombe en dessous de l'eau. Donc ça va être difficile. Je souhaite, mais j'espère peu. Toi, si je te demande, Jean-Philippe, comment tu vois la partie entre Bishop McGill? Ben écoute, choisir un gagnant, je trouve que c'est difficile dans ce cas-là. Ouais. McGill, jusqu'à maintenant, ont montré qu'il passait énormément le ballon. Mais encore presque une fois cette année, c'est là où j'en venais, il ne court pas. Donc oui, le fond défensif de Bishop a été affecté par Dan McCullough, qui est excellent, puis bien des gens qui ont quitté, mais je veux dire, il ne court pas. Donc Matt Connell, qu'est-ce qu'il va faire contre la tertiaire de Bishop, puis qu'est-ce que Jamal Lee va faire contre un front de McGill qui a eu de la difficulté la semaine passée contre l'attaque terrestre des Stingers. Ça va être difficile de choisir qui va gagner selon moi dans ce cas-là, parce que McGill bouge bien le ballon par les airs. Qui va avoir le ballon le plus souvent, puis qui va gagner la bataille des revirements, selon moi, va rapporter le match. C'est un match que j'ai bien hâte de voir, parce que justement, Bishop, McGill, en même temps, ça va nous permettre de mieux situer. En tout cas, c'est sûr que cette semaine, ça va être de même pour toutes les équipes, mais entre autres, Bishop, McGill, ça nous permet de situer à peu près leur niveau de jeu. Autant de Bishop, parce que là, l'année a un peu mal parti, puis McGill, je dirais qu'avec la surprise un petit peu versus la partie de la semaine passée contre les Stingers. Puis même celle d'avant aussi, ils ont bien bougé le ballon contre Sherbrooke. C'est vrai aussi. Donc je pense qu'ils se sont améliorés énormément, mais à savoir à quel point ils se sont améliorés. Moi, j'ai hâte de voir aussi. Mais améliorer justement McGill, réussir à faire autant de points contre Concordia, qui sont toujours réputés pour avoir une défensive assez solide, c'est une grosse surprise. Ben, je pense qu'ils sont orgueilleux. Je pense pas qu'il y a personne à McGill pour avoir parlé aux gens avec la classique qui soit cet été, pour avoir parlé avec Anthony Luca, avec John Bauer qui est sur la ligne défensive là-bas à McGill. C'est des gars orgueilleux. Puis il n'y a pas personne dans cette équipe-là qui accepte les dernières années avec candeur là, en disant « Ah oh, bon, on a perdu, bon, on est les derniers. » Non, c'est des gars orgueilleux. Puis McGill, c'est quand même une tradition de football. Ils ont eu des démêlés avec la fameuse histoire là, du broom, en tout cas, des initiations, là, on va s'en venir à ça. Mais écoute, c'est des gars orgueilleux, puis je serais pas surpris. Moi, je leur prédis pas une saison sans défaite, là, McGill. De toute façon, je pense que ça va être pour eux, ça va être une année, justement, une année charnière où justement, là, ils ont eu des mauvaises années. Mais enfin, il est temps qu'ils passent peut-être à autre chose. Puis en fin de semaine, ça va être un excellent test. Dans la deuxième partie, puis tabarouette, ça aussi, c'est une game que j'ai réellement bien hâte d'avoir des nouvelles. C'est les Carabins contre le Vert et Or. Les Carabins, on les a vus jouer contre vous. Moi, je sais pas. À chaque année, peut-être que c'est ma trop grande partisanerie, mais je vois toujours le Rouge et Or inatteignable, à des sommets extraordinaires. Puis bon, j'espère, malheureusement, c'est bête à dire, mais j'espère toujours le pire au Carabin malgré tout. Puis cette année, quand je les ai vus jouer contre vous, j'ai fait ça. Ben ouais, c'est vrai que c'est là que je reconnais que quelqu'un comme Justin Piglen, qui nous l'avait dit en conférence, que, écoutez, ça sera pas facile contre les Carabins. Ils ont un front défensif extraordinaire. C'est probablement l'opposition qui va être la plus dure pour l'offensive du Rouge et Or. Donc après les avoir vus, ça a fait que je les ai pris beaucoup plus au sérieux. Puis bon, de l'autre côté, le Vert et Or, c'est une équipe que j'ai toujours aimé voir la progression arriver tranquillement, pas vite. Mais j'ai hâte de voir l'une et l'autre, ils se situent où? Parce que le Vert et Or, je dirais qu'ils ont un peu mal parti. Les Carabins, ben, je pense que tout le monde va leur donner le crédit d'avoir très bien résisté au Rouge et Or. Puis la semaine passée, ben, ils ont eu une performance électrisante aussi. Fait que je suis bien mal pris d'essayer de trouver un gagnant. J'ai l'impression que les Carabins vont réussir à aller chercher la victoire. Moi aussi, je la donne aux Carabins, celle-là. Pas sans équivoque, là, mais presque. Leur défensive est vraiment extraordinaire, leur front défensif, effectivement. Et Jean-Philippe, moi, j'avais envie de te poser la question. Leur ligne offensive, elle est grosse, mais est-ce qu'elle est grosse et mobile? Parce que, bon, moi, sur les lignes de côté, évidemment, on voit pas nécessairement tous les mouvements de la ligne offensive. Il faudrait que je sois plus haut. Quoi, ça avait l'air de tomber sur le terrain? Très pesante, c'est une ligne à l'attaque à ne pas sous-estimer. Ils sont pesants, bougent pas énormément, mais leur système offensif fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de bouger énormément. Par le passé, je vois d'une façon peut-être différente, parce qu'il y avait certains joueurs de ligne qui étaient plus athlétiques, donc il y avait une certaine capacité justement à bouger rapidement, puis il était tannant. Là, ils ont comme ajusté un petit peu leur système offensif en fonction de ça. C'est une bonne ligne à l'attaque. Écoute, on peut pas dire que ils ont bien fait contre nous autres, puis on faut leur donner ça. Puis regarde, on les respecte énormément. On peut pas négliger les Carabins dans cette histoire-là. Ça, c'est la bonne vieille tactique de joueur de ligne, de quand t'es très gros et peu mobile, c'est put your body on his body. Ouais, c'est that's ça. Gonna do the job. Ouais, c'est ça, exactement. Puis écoute, ça, ils ont bien réussi à le faire contre nous autres, là. Mon grand désarroi, là. Sont pesants. Pour être pesants, ils sont pesants. J'allais dire juste par rapport aux dernières éditions, les autres années précédentes, as-tu l'impression que cette année, les Carabins sont une coche au-dessus ou au contraire, bon, ils sont peut-être eux aussi, peut-être cette année, un pas derrière pour vont progresser durant l'année? Ils sont définitivement pas un pas en arrière. Okay. Savoir à quel point ils ont progressé, c'est sûr. Il y a un roulement de personnel qui se fait. Ça a été, ils ont signé la fin de leur 5 premières années, donc le roulement commence à se faire. C'est là qu'on va voir justement la qualité du recrutement qu'ils ont eu, puis on voit que quand même, il y a des belles choses qui se développent là, de ce côté-là. Mais c'est une équipe qui est non négligeable année après année, ça c'est certain. Puis le verre et or cette année, je sais pas toi comment tu les vois, moi chaque année, je suis justement content de voir que le football francophone est en pleine expansion, ça s'améliore beaucoup. Il y a eu plein de gens qui disaient « Ah, mon Dieu, on sera jamais capable d'avoir 3 universités francophones qui vont maintenir des bons programmes de football. » Moi, je sais pas, mais cette année, j'ai l'impression que le verre est or, sans dire qu'ils vont... C'est une puissance, mais j'ai l'impression qu'ils risquent de s'être encore améliorés. Ben, je pense que oui. En tout cas, jusqu'à maintenant, leur dossier à l'attaque, ils font beaucoup de points, ils bougent le ballon, je veux dire, des games de 400-500 verres à l'attaque, c'est spectaculaire. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est justement ce match-up-là entre l'offensive du verre et or puis la défensive des Carabins, puis à l'inverse aussi, la défensive du verre et or, à savoir de quoi je chauffe maintenant que Pierre-Luc Labbé est parti. J'ai hâte de voir ça. Là, on voit les statistiques. J'ai pas vu les matchs. J'ai pas parlé à personne. Je connais des gens des deux côtés. J'ai pas parlé à ces gens-là de savoir comment ça se passe. Mais ça aussi, c'est un match que moi, je veux pas. Je suis assez impartial. Hein. Je vais pas choisir de gagner dans les matchs. Mais je trouve que contrairement aux autres, pas aux autres semaines. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, on le fait avec plusieurs matchs de. Les conférences de l'Est, de l'Ouest et tout. Je trouve que, on a vraiment une belle fin de semaine de football. Mm. Parce que Bishop McGill, ça va être vraiment excitant. Carabin Verreard, sérieusement, moi, j'ai hâte de voir parce que ça va déjà permettre de voir un peu plus où les gens en sont. Toi, Charlie, sur le Verreard, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Le Verreard, c'est une équipe qui progresse beaucoup à chaque année. Donc, j'ai hâte de les voir évoluer contre les Carabins. J'ai vraiment très hâte, mais cette année, je dois avouer que j'ai été moins curieux du côté du Verreard, donc je les connais un peu moins. Alors, j'ai vraiment hâte de les voir évoluer contre les Carabins. Mais ça va être bien intéressant, ça, c'est certain. Et le match qui, bien sûr, je veux dire, on est tous... on a tous bien hâte à samedi, ça, c'est certain. Parce qu'encore là, je dirais que c'est un match-up de... C'est un classique. Laval contre Concordia, avec le coach Jerry. Et là, cette année aussi, il y a une couleur particulière au match. Exactement. C'est le Shrine Bowl, qui est une grosse tradition. Qui est la deuxième année où le Rouge et Or va participer. Donc, on vous le rappelle, c'est une façon de ramasser des sous pour des enfants malades. Alors, les gens qui sont à Québec, qui en plus veulent profiter d'un bon match, puis en profiter pour ramasser de l'argent pour l'hôpital des Shriners, c'est l'occasion d'aller dépenser un beau petit 10$ dans le stade, dans le nouveau stade. Le nouveau stade. Ça fait 2 ans maintenant. Concordia, 3 ans que c'est refait. C'est ça. Bon, donc, il commence à être bien rodé. Mais c'est le temps d'aller voir les installations. Puis de voir. Ils ont un beau terrain, quand même, à Concordia. Mmh. Mais je dirais qu'à Laval, c'est en se promenant dans les autres stades qu'on se rend compte qu'on a quand même un beau setup. Parce que c'est bien installé. Donc. Absolument. Concordia, selon moi, c'est des matchs qui sont toujours très émotifs. Ouais. Ouais, définitivement. C'est spectaculaire de voir à quel point ils vont toujours sortir leur meilleur match contre nous autres. Puis même, c'est Glenn Constantin, je pense qu'il en parlait à un moment donné aux médias, et il disait que c'est pas compliqué. À Concordia, les joueurs manquent aucun entraînement, aucune préparation pour le match contre Laval. Ils veulent sortir leur hey game pour le match contre Laval. Puis je faisais c'est la même chose pour nous autres, on faut agir en conséquence. Donc oui, tout le monde veut être parfait pour ce match-là. Tu veux pas que ça se termine à cause d'une erreur stupide ou une erreur d'ajustement. Tout est là, puis il y a des coachs solides des deux bords, puis c'est qui va avoir le dessus sur l'autre. C'est une game stratégique aussi, beaucoup contre les Stingers de Concordia. Là. C'est beau à voir, puis c'est des games tripantes. C'est une belle rivalité. Ouais, ouais, ouais. J'imagine, tu veux pas trop en dire, mais comment est-ce qu'on joue contre un corps comme Liam Mahoney? Ben écoute, je pense que c'est pas un secret pour personne que ce corps-là a des jambes en or. Il vit beaucoup avec ses jambes. Ouais. Il roule. C'est spectaculaire. Tu peux pas... Si tu penses que tu peux le rattraper, probablement que tu te trompes. C'est assez incroyable à quel point ce gars-là est mobile. Mais faut trouver, regarde, Mané, ça reste que c'est un gars, puis dans ses shorts, il y a la même chose que n'importe quel autre gars de notre défensive, donc ça reste un gars contre 12, donc ça peut pas fonctionner comme ça. Mais il est à respecter, ça c'est sûr. Effectivement, c'est un des seuls corps dans la conférence Québec que j'ai vu qui est capable de courir nord, sud, est, ouest dans le même jeu. Ah ouais, absolument. C'est épouvantable. Absolument. Un poisson des fois. Ouais. Même tu y touches, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ouais, puis je pense que l'offensive de Concordia a changé beaucoup en fonction de son arrivée aussi avec l'équipe. Ils ont vu qu'il y avait justement un diamant brut. Donc, ils ont mis les pièces autour de ça aussi. Ils beaucoup. Sont ajustés. C'est ça. Puis l'offensive roule beaucoup autour de lui. Je ne sais pas qui est derrière lui, mais il est précieux pour son offensive. Là. C'est ça. Je pense que c'est là qu'on va bien voir aussi comment justement les Stingers se sont coordonnés. Je ne suis pas en train de dire qu'il est seul, mais je veux dire, c'est une équipe qui, traditionnellement, a toujours beaucoup d'athlètes. J'irais presque dire des super athlètes, là, tu sais, des types de joueurs quasiment basketball, tu sais, aux positions de wide receiver. Tu es toujours du monde bien athlétique. Tu sais, je pense à Sammy Okpro qui est toujours un pétard à mèche partout sur le terrain. Là. C'est toujours la même situation que les Stingers. Ils sont toujours bons, année après année. Les Stingers, comme McGill, c'est toujours un petit peu difficile aussi de voir le recrutement qui ont été fait parce qu'ils vont aller chercher ailleurs. Ouais. Des endroits que, en tout cas, je sais que nous, par Laval Fans, il y a beaucoup de. On surveille beaucoup les mouvements de recrutement. Mais McGill et Concordia, à chaque année, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus secret parce qu'en fait, ils vont dans des endroits où on ne va pas. Puis je sais que coach Jerry McGrath a tendance aussi à nous sortir toujours un petit lapin de chapeau. Là. Il est excellent là-dedans. Ils sont assez pesants aussi. Oui. Il y a un don pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, en conférence de presse, il y a quelqu'un qui soulevait le fait que, bon, ça va être un back-to-back. Donc, pour toi, est-ce que ça change un peu la préparation ou ça va être un match à la fois? Ben, c'est réellement un match à la fois, mais il va falloir s'ajuster. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, la semaine prochaine, on va faire du vidéo toute la semaine sur le match qu'on vient de jouer. Donc là, c'est réellement qui va s'ajuster le mieux suite à ça. Ça va devenir très stratégique. Puis c'est sûr et certain que les plans de match vont changer. Parce que l'une ou l'autre des deux équipes ne peut pas garder le même plan de match. C'est sûr et certain que oublions le fait qu'il va y avoir un gagnant, un perdant du match de samedi. L'équipe ne voudra pas répéter le même scénario la semaine suivante. Donc, il y a des choses qui vont changer des deux côtés. Puis, tu ne peux pas gagner ce match-là en espérant gagner de la même façon la semaine suivante parce que ça va être spécial. J'ai pas joué souvent des back-to-back au foot. C'est rare que ça arrive. Oui, c'est assez rare. Oui. Mais ça va être spécial. Puis, l'intensité du premier match va être quelque chose, mais du deuxième, tu te retrouves une semaine après, tu as encore les mêmes bleus du même match. Là, je veux dire. Tu te souviens de qui l'a fait là. Donc ça va être spécial. Ça va être intéressant. De toute façon, ça va être de voir comment tout le monde va s'ajuster. Ça, Justin l'a bien mentionné aujourd'hui, autant pour l'offensive que pour la défensive. Ouais. Donc ça va être l'ajustement. Écoute, Charlie, moi je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur Laval Concordia. Non, sur ce qui se passe dans la conférence Québec, moi présentement, c'est tout. La seule chose que je peux peut-être rajouter sur la conférence. Le reste de la conférence au Canada, de la Ligue au Canada. Le reste Est-ce que Toronto va rester sur sa lancée? Ben là, par exemple, écoute, j'oublie contre qui il joue, mais je dois admettre que moi, dans le pool, j'ai pas mis de victoire pour Toronto, parce que là, je trouvais ça plutôt extraordinaire. Je me disais, bon là, quand même! Ils sont bien partis, mais il faut que ça cesse. Ça sera pas facile, ça va être contre Queens. Ah oui, bon, exactement. Donc, oui, je dirais que j'ai fait un choix presque sûr. Évidemment, les choix sûrs, il y avait contre l'Université de York. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse s'attendre à grand-chose. Mais dans les matchs intéressants, écoute, je sais pas si tu as l'horaire devant toi, en fait. Absolument. Mais il y avait Ottawa qui, je crois, va être contre Waterloo. Donc, ça, je pense ça va être un duel très intéressant. Ça va être Manitoba contre Alberta. Toujours des beaux duels, ça aussi. Et après ça, St. Mary's contre les Mounties. On retrouve aussi Regina contre UBC. Laurier versus Windsor. Ottawa-Waterloo. Ce ne sera pas piqué les verres non plus. York-Western. Oui, non, en fait, ça, c'en est un match qui risque d'être long et plate. Je suis obligé de le dire, là, mais Western contre York. Oui. Sérieusement, mais c'est parce que je pense qu'il est à The Score. Non? Rogers Pugh. Ah, OK. À The Score, ça va être McMaster contre Goff. Okay. Bon, j'excuse, mais j'avoue que sérieusement, en fin de semaine, s'il y a un match peut-être à pas écouter, puis c'est dommage, là, mais l'Université de York, je suis pas sûr qu'ils vont avoir une grosse saison cette année. Non, ça sent pauvre, moi, ouais, c'est ça. Mais écoute, Toronto a duré 7 ans de misère, je pense. Alors, chacun son tour. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le football universitaire canadien est en santé et nous donne du plaisir. Ah, ça, en fait, cette année, moi, j'avoue que c'est la première fois où je suis autant les autres ligues. Toutes les autres conférences, je veux dire, pas que c'était par désintérêt, mais cette année, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. On en a entendu beaucoup plus. On a eu plus de trucs sur les différentes divisions. Entre vous, est-ce que vous en parlez un peu de ce qui peut, ce qui se passe ailleurs au Canada? Un peu, évidemment. C'est sûr que ce qui passe à la télé est plus enclin de nous intéresser. On fait pas de vidéo, puis on vérifie pas les statistiques de tous les matchs, mais c'est sûr que des adversaires qu'on a déjà affrontés, les forces surtout au Canada qu'on connaît, tu sais. Essayez de voir. Quand tu vois Ottawa qui perd le premier match contre Western, qu'on connaît du match pré-saison, tu sais comment écrire un match intéressant. Tu sais qu'Ottawa est bourré de talent. Moi, pour connaître personnellement Davy Mason et Josh Jacoby, à qui j'ai joué à Champlain, c'est des machines de football, puis tu sais, sont bourrés de talent. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. On peut les recroiser. Mais non, écoute, c'est sûr et certain qu'il y a des équipes qui attirent notre attention. St. Mary's aussi, qui ont connu un match serré contre Acadia la première semaine, avec Lavic. Non, c'est sûr qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la ligue, c'est sûr. Mais c'est sûr que York, Toronto, on ne pourrait pas dire c'est qui leur starting QB, j'en ai aucune idée. Non, mais je pense que même il y en a beaucoup de l'université même qui ne doivent pas le savoir. c'est dommage, mais bon, je veux dire, ça fait partie justement du football. Hein. Je veux dire, c'est pas toujours les grandes équipes. Il y a des équipes qui en arrachent un peu plus, mais encore là, un jour, ça peut, le vent va tourner. Écoute, Charlie, on en a parlé tantôt. On en a parlé aussi avec toi. On a parlé un peu du tailgate. Je sais que le tailgate... Heureusement, tu n'as pas à y participer très souvent. Pas encore. On est bien contents. Ouais, mais après, tu viendras fêter avec nous autres. Ça va être le bon temps. On va te faire découvrir les joies du tailgate. Parce qu'on en parlait. Je veux dire, moi, le tailgate, ça fait partie du football. On parlait du 13e homme tantôt. Mais le tailgate est aussi le moyen de faire le réchauffement. Puis, ben, nous autres, on est chanceux. Depuis la deuxième année, hein, Charlie. Ouais, la deuxième année, on avait normalement notre petit tailgate toujours bien arrosé, mais tu sais, avec nos petits moyens, bien relax, nos petits poêles au gaz, bien sympathique. Notre tailgate amateur, ouais, ça faisait très amateur. Et finalement, on a été repêchés par des pros, les gars du char barbecue. Le charcoal, si bien nommé. Écoute, je sais pas, Charlie, si tu veux faire la description du charcoal, là, t'as tendance à être plus imaginé que moi, là, mais... Alors, c'est un rutilant Ford Escort. Escort, oui. Familial, ouais. Peinturé rouge et or. Modifié en trailer. Plaqué trailer. Alors, vraiment, là, toutes les belles caractéristiques d'une voiture de cinglé. Le coffre arrière est une glacière, et le hood en avant est le barbecue. Alors, on arrive là, on est reçus comme des rois. Mathieu, Jean-Benoît, Yvan, André, ils nous reçoivent comme des chefs, vraiment, là. On est reçus là. C'est match après match. Les gars, s'ils n'arrivent pas la veille, installent le setup très tôt le matin, 5h30, montent l'abri tempo. C'est ça, parce que tu parles de la voiture, mais ça vient aussi avec un abri tempo. Un vrai abri tempo. Un vrai. En fait, il y a un 10 pieds par 10 pieds qui est installé pour protéger la personne qui va faire le barbecue. Puis à côté, on a l'annexe qui est l'abri tempo. Puis dans l'abri tempo, Charlie, je sais que... Fais-toi plaisir, là. À chaque fois qu'on a des visiteurs, je leur fais visiter l'endroit. Alors, on a notre salle de bain, notre toilette, qu'on appelle chaleureusement la carabole. Alors, c'est une magnifique poubelle bleue avec le logo des carabins. Où est-ce qu'on met un magnifique liquide bleu qui fait que ça sent les bleus, hein? Et on urine dans la carabole. On a notre super toilette. En fait, c'est un des peut-être des setups les plus compliqués à organiser. Parce que d'une fois à l'autre, il faut bien sûr transporter le véhicule. on s'entend. Là, ça prend un bon pick-up pour le faire. L'organisation du barbecue. Le barbecue, il y a quoi? Il y a 4 pieds de large. Ben, c'est un 4 brûleur. Un 4 brûleur. Ouais, c'est ça. C'est un vrai barbecue de pro. Oui. La semaine passée, on a mangé des hamburgers qui avaient à peu près 3-3. Ça n'avait pas de bon sens. Mais en tout cas... Pas quart de livre, c'était la livre au complet. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment quelque chose d'hallucinant. Mais tout ça pour dire que, bon, on remercie ceux qui nous accueillent à chaque match du Rouge et Or. Mais en même temps, je veux dire, nous, on est là, on passe une bonne partie de l'avant-midi. Maintenant, bon, moi, j'arrive un petit peu plus tard, j'arrive à 9h parce que je m'occupe de mon petit bonhomme avant ça. Moi, quand j'ai pas de vie, j'arrive plus tôt. C'est... Toi, t'arrives plus tôt. Ouais, mais moi, en plus, faut pas que t'oublies, j'ai une heure de maquillage. Il faut que je m'installe, faut que je me mette à mon plus beau. Ça passe pas dans la nuit, ça? Les cornes, oui, mais pas le rouge. Il faut que je fasse du lit de bronzage. Mais bref, on est là à partir de 9h. Donc, je veux dire, souvent on croise les gens sur le forum, on les croise un peu en se baladant au tailgate, mais venez nous voir, nous autres, ça nous fait toujours plaisir, évidemment, de parler de football, bien entendu, parler du Rouge et Or. Donc, accostez-nous, arrêtez-nous, donnez-nous vos suggestions, on va faire ce qu'on peut. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à venir nous voir, là, au contraire, on aime bien ça, puis... on a un setup pour être facilement retrouvable. Venez nous offrir une bière aussi, ça fait toujours plaisir. On est toujours d'accord. Il y a des gens de Sorel l'autre jour qui nous ont offert une bière, des réguliers du forum qui sont venus nous dire bonjour. Je salue Rémi en passant. Merci beaucoup d'être venu, merci pour la bière, elle était très bonne. Là-dessus, ben écoute, parle-parle, jazz, hein, oui. Charlie, oui, non, excuse-moi. Point de ben, vas-y. À notre réunion hebdomadaire, on a parlé beaucoup cette semaine sur le forum de Samuel Lameau. Alors, moi, j'ai posé la question... Charlie est allé aux nouvelles. Il y a eu plusieurs commentaires, qu'est-ce qui se passe avec Samuel, son dossier scolaire, il est blessé, qu'est-ce qui se passe. Je suis allé voir Coach Constantin, merci, j'ai perdu mes S en chemin. Alors, Coach Constantin me disait que le dossier scolaire s'est pratiquement réglé à 99,9%. Il ne manque que toutes les autorisations finales, mais sinon, c'est fait, c'est réglé, il est éligible. Et maintenant, tout ce qui reste, c'est à Samuel de se faire une santé. On a une blessure présentement aux jambes. Alors, éventuellement, on va revoir Sam cette année. Les gens ont bien hâte de le voir, mais ça ne sera pas en fin de semaine. Ça ne sera pas en fin de semaine, mais n'empêche que... Il pourrait être là, mais bon, à cause de la blessure, c'est ça. Ça faisait quand même l'affaire de tous que, justement, on puisse étirer ça peut-être au prochain match, puis on fera sa grande rentrée au Peps. T'as qu'à faire une rentrée. À l'église du Peps. Et puis, là, ben, j'allais le dire tantôt, hein, parle-parle, jazz, mais à un moment donné, vous allez avoir les oreilles brûlées par les écouteurs, puis ça va sementer. Mais effectivement, il faut finir. Ça, c'est certain. Écoute, Jean-Philippe, ça a été réellement un plaisir de t'avoir avec nous. Ben, le plaisir est tout pour moi. Je ne peux que te souhaiter que des bonnes choses pour cette saison. Toi, je sais pas, t'attends-tu à quelque chose? Tes objectifs cette année, est-ce que tu t'en es donné à moyen, court terme, long terme? Mes objectifs personnels, comme ceux de l'équipe, je pense que ça se dirige vers Hamilton. Un match à la fois, tout simplement. Moi, je pense que c'est la bonne attitude à avoir de toute façon, parce que... Ça passe par là, hein, de toute façon. Hey, Jean-Philippe, avant qu'on termine, évidemment, éventuellement, tu vas terminer ta carrière universitaire, probablement l'année prochaine. Oui. Après ta carrière universitaire, est-ce qu'on t'envoie le courrier à Québec ou est-ce qu'on te renvoie ça à Saint-Victor-de-Beauce? Probablement à Québec. Oui. Bon, on va te garder. Ben là-dessus, écoutez, je vous invite à participer à la discussion, vous aussi. Le forum est ouvert pour que vous puissiez réagir à l'émission de radio qu'on a produit cette semaine. Alors, n'hésitez pas, venez nous faire vos suggestions, passez vos commentaires. Puis, par courriel aussi. Alors, pour me rejoindre ou bien rejoindre, on va dire, le site web en général, c'est info@lavalfans.com. Puis, Charlie, si vous voulez avoir des nouvelles de lui, entre autres par rapport aux photos, je sais que c'est possible, on a beaucoup de demandes là-dessus. Bien, c'est Charlie, donc c'est HR. Ah, c'est HR. Ok, bon, j'abandonne, Charlie. Merci, Charlie. Fait que venez nous jaser ça, puis on se rejoint sur le forum et à la semaine prochaine.